Livre 5. La partie de la muraille où étaient sculptés les signes mystérieux et le couple d'oiseaux à tête d'homme sembla pivoter sur elle-même, et dans le même moment, Marie-Thérèse poussa un grand cri, car le mort arrivait. Il vint jusqu'à elle au fond du gouffre obscur qu'avait ouvert le déplacement des pierres cyclopéennes. Quand celles-ci eurent repris leur position première, Marie-Thérèse le vit, assis devant elle, dans un fauteuil d'or à deux places. L'une de ces deux places, à côté de la majesté défunte, était encore inoccupée. La foule des Incas acclama « Gloire à l'Inca » et se prosterna de nouveau. Les joueurs de Kena soufflèrent leurs airs les plus funèbres dans leurs onces de mort. Les deux Mamakonas, qui devaient accompagner Marie-Thérèse dans les demeures enchantées du soleil, se placèrent à sa droite et à sa gauche, et les 10 autres prêtresses formèrent deux théories qui ne cessèrent de se croiser en balançant leurs voiles. Quand elles arrivaient devant le roi embaumé, elles s'agenouillaient, relevaient la tête et criaient à l'écho « Celui-là est Huanacapac, roi des rois, fils du grand Apac Inca, Huapanqui. Il est venu par les couloirs de la nuit pour chercher la nouvelle Quaya que le peuple Inca offre à son fils Atahualpa. » Puis elles se redressaient et se recroisaient et recommençaient à balancer leurs voiles. Elles firent ce manège 12 fois. Chaque fois elles criaient plus fort, et chaque fois les joueurs de flûte dans les os de mort faisaient entendre des airs plus stridents. Marie-Thérèse, toujours serrant dans ses bras le petit Cristobal qui avait caché sa tête dans son sein à l'apparition de Huanacapac, fixait le mort, et le mort la fixait. Il semblait à tous qu'une épouvante hypnotique immobilisait la jeune fille en face de l'envoyé de l'enfer incaïque qui venait la chercher. Le roi avait, lui aussi, vêtu la robe de peau de chauve-souris, propre à la traversée des couloirs de la nuit, mais sous cette parure passagère, il laissait entrevoir le manteau royal et les sandales d'or. Sa noble figure impassible et sévère était découverte. Elle avait conservé cette teinte brune qui lui avait été naturelle. Il ne portait sur ses cheveux, d'un noir de corbeau, que le hilantu, la couronne légère à franges et à glands, pareille à celle que l'on avait posée sur le front de Marie-Thérèse. Mais celle du roi avait les deux plumes de Coraquinque. Les gardiens du peuple du temple de la mort avaient-ils glissé, sous les paupières embaumées, le faux éclat des billes de verre, ou le prodigieux secret des embaumeurs avait-il conservé, à travers les siècles, la lumière des royales pupilles? Mais il paraissait à Marie-Thérèse que ce monarque funèbre la fixait d'un regard effroyablement vivant. Il était assis très naturellement, les mains aux genoux. Il sembla même à la jeune fille qu'il respirait, tant ce mort présentait la perfection de la vie réelle. Elle eut un gémissement d'horreur que seul le petit Cristobal entendit, car c'était la 12e fois que les Mamakonas passaient en chantant toujours plus fort et que les joueurs de Kena les accompagnaient, et ils étaient arrivés tous à un diapason tel qu'on ne percevait plus dans la maison du serpent que leurs accents déchirants et barbares. Les Indiens de l'assemblée commençaient, eux aussi, à se trémousser en ululant de droite et de gauche, en imitant le balancement des trois gardiens du temple. Marie-Thérèse regardait toujours le mort, non seulement parce qu'elle ne pouvait faire autrement, se trouvant en face de lui et comme hypnotisée par lui, mais encore parce qu'elle ne voulait pas regarder les ponches rouges. Elle sentait que ses yeux, s'ils ne restaient pas sur le mort, iraient fatalement à cela et les trahiraient. Marie-Thérèse était comme à moitié enfouie dans l'idée de la mort. Il lui semblait que déjà la terre la possédait, qui devait l'étouffer, mais que sa tête était encore libre. Elle n'avait plus qu'une crainte particulière au milieu de la terreur sans fond dans laquelle elle descendait, c'est que sa tête se tourna, malgré elle, du côté de ceux qui pouvaient encore la sauver, et les désigna à ce peuple fanatique. Ainsi se forçait-elle à l'hypnotisation en face du mort, et le peuple Inca, voyant ce miracle s'accomplir, et qu'elle était déjà prise par le mort, rendait des actions de grâce à la divinité. Mais Huascar leva le bras, fit un signe de deux doigts de la main droite, et il y eut le silence et une immobilité de tous instantanée et absolue. Qu'allait-il se passer? Le crâne peint de sucre, le crâne petite valise et la casquette crâne s'approchèrent et désignèrent aux deux Mamakonas qui devaient mourir la place restée libre sur le double fauteuil d'or. Celles-ci dirent aussitôt à Marie-Thérèse en indien à Aymara : « Allons, Quaya, viens, sois heureuse et douce, Le roi t'appelle. » Et elles la soulevèrent et la portèrent dans cette place restée libre, sur le double fauteuil d'or, à côté du roi défunt, Huanacapac, fils du grand Tupac Inca, Huipanqui. Et ceci fait, le fauteuil se trouva face à l'assemblée et face aux ponches rouges.